Donc, bonjour, merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Nous avons vu dans le précédent podcast comment les frères, les fils de Clovis, et donc les frères Thierry, Clodomir, Chilpéric et Clotaire, coopéraient entre eux quand il s'agissait en réalité des rapports avec les peuples étrangers, avec le Regnum Francorum. Et on voyait aussi comment ce Regnum Francorum constituait encore une unité, même s'il y avait plusieurs têtes couronnées. Donc ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs rois qu'il y a plusieurs royaumes. Et donc l'équilibre est assez précaire entre ces frères qui se jalousent, qui se comparent. L'un est bien sûr plus favorisé que les autres, c'est Thierry. Et en mourant en 533, évidemment, Thierry donne évidemment son royaume à son fils Tibère. Les autres se partagent des territoires moins grands. Alors, les choses quand même auraient pu en rester là si Clotilde ne s'était pas mêlée d'affaires étrangères. Et c'est ce qui se passe en 524. Donc, Clotilde, en 524, apprend que Sigismond devient roi de Bourgogne. Clotilde le considère comme un ennemi de sa famille, et on se souvient d'ailleurs que Clotilde est une reine burgonde. Elle demande à ses trois fils, Clodomir, Childebert et Clotaire, de déclarer une guerre de faide contre Sigismond et sa famille. Une guerre de faide est une guerre de vengeance privée, qui oppose en général deux clans germaniques, et qui ressemble à la vendetta corse. Par devoir filial, donc, les trois fils de Clotilde s'unissent pour combattre Sigismond. Ils sont d'abord écrasés. Sigismond est un chef de guerre expérimenté. Mais finalement, il l'emporte, massacre son armée et conduit Sigismond chargé de chaînes à Orléans. Là, devant Clodomir, le roi burgonde, est décapité. Cela aurait pu en rester là, mais c'est sans compter Godomar III, le fils de Sigismond, qui décide de venger la mort de son père. Quelque temps après son accession au trône, il pénètre avec ses armées dans le royaume de Clodomir, qui, surpris par la violence de l'attaque, est tué avec sa garde rapprochée. Clotaire et Childebert s'unissent à nouveau, sans beaucoup de conviction d'ailleurs, et vainquent Godomar III, qui est tué pendant une bataille. Thierry n'a pas participé au conflit car il n'est pas lié par la guerre de Fède, puisqu'il n'est pas fils de Clotilde, mais d'un premier lit. En mourant, Clodomir laisse trois fils, Thibaut, Gunther et Clodoald. Alors que Childebert et Clotaire s'apprêtent à les tuer discrètement pour se partager le royaume de Clodomir, ils se ravisent, pris de scrupules, peut-être. En effet, dans ces familles germaniques, la mère garde un pouvoir de chef de clan, le Mutterrecht. Ils décident donc d'envoyer les trois enfants au monastère où Clotilde vit cloîtrée depuis la mort de son mari en 511, pour que Clotilde, donc leur mère, décide de l'avenir de ses petits-enfants avec. Comme alternative, les ciseaux, c'est-à-dire la tonsure, c'est-à-dire en réalité le couvent, ou l'épée, soit la mort. Mais comme les deux frères précisent que la tonsure est une solution risquée, puisqu'une fois coupés, les cheveux repoussent, en d'autres termes, tant qu'ils sont vivants, ils pourraient revendiquer le trône de leur père Clodomir, Clotilde comprend que ses fils lui demandent s'ils peuvent les tuer tout de suite ou plus tard. Elle leur aurait répondu, puisqu'ils ne peuvent régner, qu'ils meurent. Devant ses yeux, deux de ses petits-fils, Thibaut et Gunther, sont exécutés. Clodoald a pris la fuite, il fondera plus tard un couvent dont il occupera la charge d'abbé et mourra en odeur de sainteté, c'est le fameux Saint-Cloud. On dit que la scène du meurtre de ses deux enfants, l'un de 10 ans, l'autre de 7 ans, était pénible à voir. Il fallait en effet avoir le cœur bien accroché, de voir ses petits-enfants pleurer alors que le bourreau les traversait de l'épée, avec son épée. Childebert aurait même, on ne sait pas très bien qui les a exécutés, mais on pense que Childebert aurait même évité, et Clotaire lui aurait rappelé que c'était lui qui était à l'initiative de cette sordide solution, et donc qu'il devait mener son entreprise à terme. Constatant donc, après Donc Clotilde en gardera une profonde amertume et elle se sentira évidemment un peu coupable puisqu'elle est en partie responsable de cet état des choses. Constatant que les deux sont capables du pire, Childebert et Clotaire se méfient l'un de l'autre. S'en descendant mal, Childebert ne veut pas transmettre son royaume à son frère, ni au fils de son frère. Il décide d'adopter Tibère, son neveu, fils de Thierry. Tibère Ier est devenu roi d'Austrasie et d'Aquitaine à la mort de son père Thierry en 533. En adoptant Tibère, Childebert fait rentrer dans sa famille proche un neveu et un des rois francs les plus brillants de sa génération. Sincèrement amoureux de sa femme gallo-romaine Déotéria, rencontrée alors qu'il assiégeait une ville au sud de l'Aquitaine, il avait même rompu ses fiançailles avec Visigrade, une princesse lombarde, Tibère, le plus romain des rois mérovingiens, éclipse ses oncles, un peu frustre. Par son mariage avec Deutéria, il se met en plus la population gallo-romaine d'Aquitaine dans la poche, et par sa maîtrise parfaite du latin et du grec, il gagne l'exclusivité de la correspondance avec l'empereur de Byzance. En outre, ses terres d'Austrasie et d'Aquitaine sont suffisamment riches pour qu'il puisse battre une monnaie en or à son effigie, dans ses ateliers de Metz. Quoi de mieux donc pour Childebert que d'adopter Tibère? Clotaire se méfie de Childebert depuis une guerre contre le nouveau roi des Ostrogoths. Une guerre de fait d'ailleurs. Childebert avait proposé à Tibère de partager les 50 000 pièces d'or que le roi Ostrogoth leur avait versées pour acheter la paix. Découvrant cette trahison, Clotaire demande des comptes à Childebert et à Tibère, qui, appliquant le vieux principe « la meilleure défense, c'est l'attaque », se retourne contre Clotaire. Si une pluie abondante et providentielle n'avait pas empêché la rencontre entre les belligérants, Clotaire et son armée auraient été exterminés. Toutefois, la perspective d'un conflit futur entre Childebert et Clotaire se précise. Il ne faut pas être prophète pour le deviner. Tibère meurt en 546 et laisse un fils handicapé, Thibaut, marié à Visigrade, qui meurt en 555, sans descendance, à Metz. En apprenant sa mort, Clotaire annexe immédiatement l'Austrasie et rentre dans Metz. Il envoie son fils Chramne soumettre l'Aquitaine en qualité de vice-roi. Mais bientôt, Clotaire doit se battre sur deux fronts. Sur la frontière austrasienne contre les Saxons alliés aux Thuringiens, incités à la révolte par des espions de Childebert, et en Aquitaine contre son fils Chramne, qui a décidé de se faire proclamer roi et se met à battre monnaie à son effigie. Clotaire vainc les Saxons en deux temps, en 555 puis en 556. Son fils Chramne est aussi vaincu, il fait acte de soumission et est réintégré dans ses droits, à condition de ne pas recommencer. Malheureusement, à la mort de Childebert, Chramne rejoint la fronde des grands du royaume de Childebert. Royaume qui s'étend de Paris à la Bretagne et passe par la Normandie. Le général breton qui mène la révolte est capturé et exécuté. Chramne, qui s'était réfugié en Bretagne, est enfermé dans une église et brûlé avec toute sa famille par son propre père en 560. À la mort donc de Childebert en 558, et après avoir maté les révoltes des grands du royaume de Childebert, ainsi que d'avoir soumis l'Aquitaine, Clotaire se rend maître du Regnum Francorum. Il devient le seul roi de ce grand royaume qui est à peu près la taille de la France actuelle, sinon un peu plus grand. Pour conclure, on peut dire que les chroniqueurs de cette époque expliquent cette tournure tragique des événements, tournure tragique qui aurait pu être évitée si ces rois mérovingiens, ces premiers rois mérovingiens n'avaient pas de caractère, ce caractère vicieux et foncièrement méchant qui les caractérise. Un historien du XIXe siècle reprendra d'ailleurs à son compte cette analyse des chroniqueurs du Haut Moyen Âge, en parlant de ces rois mérovingiens comme de grands enfants vicieux. Mais la réalité est plus nuancée. La nécessité de maintenir l'unité du royaume, malgré la tradition successorale germanique, la pratique détestable de la guerre de Fède, de vengeance privée, les guerres d'extension territoriale pour s'accaparer les richesses permettant d'entretenir un embryon d'État, La légitimité religieuse opposée à la légitimité guerrière et traditionnelle plonge ces hommes dans des conflits de loyauté sans fin, rendant leur discernement difficile et les erreurs fréquentes. Nous allons voir ensuite quelle sera la postérité de cette dynastie mérovingienne naissante dans les prochains podcasts. Merci et à bientôt.